qu'on s'est vu. Je suis amoureux de toi. Et là, je pense encore plus qu'avant à toi. Je suis un idiot, mais fou de toi. Je ne peux t'effacer de mes pensées. Mais j'essaierai, oui, j'essaierai pour toi. Je t'embrasse et prends soin de toi. On s'est vu, je suis amoureux de toi. Depuis qu'on s'est vu, je suis amoureux de toi. Et là, je pense encore plus qu'avant à toi. Je suis un idiot mais fou de toi. Je ne peux pas t'effacer mes pensées, mais j'essaierai. Je t'embrasse et prends soin.